Bienvenue à Objectif numérique, épisode numéro 12, dans lequel nous répondons à vos questions comme d'habitude. Je vous parlerai de l'application de photo à 360 degrés ArcBall Spin. On vous présente quelques logiciels pour faire du montage vidéo. Et nous vous présentons non pas une, mais deux critiques de Caméscope Compact. En même temps. Alors, l'équipe habituelle est encore présente, et non seulement l'équipe habituelle est présente, mais l'invité du dernier épisode a tellement aimé ça qu'il a décidé de se joindre à nous pour un deuxième épisode. Alors, on a François Blanchette. Salut. Christian Jarry. Bonjour. Et Johan Carl Whistle. Toujours bonjour. Hey, bonjour messieurs. Donc, on va y aller tout de suite avec une question d'un auditeur. C'est François Lemire qui nous a écrit par courriel, par email. Et il y avait tout un problème, toute une question. Oui, en fait, c'est pas une réponse facile à faire. François veut remplacer son appareil photo, qui est un Canon PowerShot A660. 560, excusez-moi. Je fais un peu de dyslexie des chiffres. Et il veut remplacer aussi son caméscope Samsung SC-MX-10 par une seule caméra, pour faire les deux. Bien sûr, bon, on en a parlé dans l'épisode précédent, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça, mais lui, il veut pas passer au réflexe tout de suite. Ça, là, ça réduit considérablement le choix qu'on peut avoir. Lui, il y a quatre caméras qu'il est en train de regarder, ce qui est à dire la Canon PowerShot S110, la Samsung EX2F, la Fujifilm FinePix F800EXR et la Nikon 1J1. Ou J2 même, je crois. Oui, exact. Ça fait 5 choix. C'est 5 choix. Puis vraiment pas dans la même catégorie, vraiment pas les mêmes choses, puis tout ça. Donc, je me suis fait bien du plaisir à regarder les spécifications de tous ces appareils-là, que je ne connaissais pas tous, je dois dire. Parce que, bon, il y en a plus qu'un, là, des appareils. Et un petit scoop, j'ai la Fujifilm FinePix F800EXR entre les mains. Et c'est le petit appareil dont je vais faire la critique dans un épisode futur. Ah! Et donc, c'est ça. Puis, bon, moi, je regardais un peu qu'est-ce que lui voulait faire, entre autres, par rapport à la luminosité, le mode vidéo. Il parlait aussi qu'il voulait un mode manuel. En partant, en général, de ce que j'ai lu, toutes les caméras qu'il dit pour les modes manuels, c'est pas l'idéal. Versus une DSLR, la DSLR, c'est plus facile. On peut facilement tout mettre notre ouverture, notre vitesse, de façon commode. On peut le faire avec ces caméras-là, mais c'est pas toujours des fonctions faciles à utiliser. Il n'y a pas les molettes qui permettent d'ajuster rapidement la vitesse et l'ouverture. Ou même, comme je parlais sur la Fujifilm X10, qu'il y avait un bouton qui permettait de changer facilement de l'un à l'autre. Il n'y a rien de ça. Là. C'est vraiment dans les menus, on doit changer manuellement. Ça se fait, mais c'est juste moins efficace. Dans le cas présent... En tout cas, j'ai l'impression, malheureusement, justement, la fameuse Fujifilm, c'est probablement celle que je recommanderais le moins. Semble-t-il que la performance de son ISO est assez médiocre. Quand on dit, on parle de ISO 400, qui est pourtant là, rien d'extraordinaire, il commence à y avoir du bruit. Ok. C'est pas fameux. Là. Même à 200, il disait que c'est pas propre. Là. On voit un petit peu de bruit. Là. Fait que on voit qu'il semble y avoir un problème avec ça. Encore une fois, là, bon, c'est avec quelques recherches. Moi-même, j'ai pas pu l'essayer. Peut-être que Stéphane, quand tu vas arriver le temps, va nous en parler un peu plus. Puis on verra un autre son de cloche à ce moment-là. Là, par contre, l'avantage de cette caméra-là versus les autres, c'est qu'elle est beaucoup moins chère. On parle de 350. Les autres sont toutes au-dessus de 400$. Fait que ça peut être un pensez-y bien. Personnellement, je mettrais un 50$ de plus pour aller ailleurs. C'est pas mal ça. La Canon S110, l'avantage, c'est qu'elle est très, très, très compacte. Tout petite. Un senseur quand même respectable, mode vidéo correct. Tu sais, ça me semble être une caméra qui fait tout correctement. Rien d'exceptionnel. Elle a pas rien qui va faire qu'elle va ressortir plus qu'un autre, mais elle fait tout ce qu'on veut. Elle a quand même un mode vidéo 1080p pour une petite caméra. C'est quand même intéressant. La Samsung EX2F, le mode manuel, même pour elle, semble un petit peu plus complexe. Elle a l'avantage, par contre, d'avoir un objectif F1.4, qui est pas mineur. Bon, bien sûr, c'est F1.4... Sur un capteur vraiment petit. Oui, puis c'est F1.4 quand il est pas zoomé. Quand tu zoomes, tu en repères un peu, là, c'est sûr et certain. Là. Mais quand même, ça peut être intéressant. Le capteur, par contre, est un petit peu plus gros que les capteurs des point and click normales. Honnêtement, moi, ce que je disais, c'est que c'est une bonne caméra, mais... Encore une fois, peut-être mettre un petit peu plus d'argent pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Dans ce cas-là, c'est à peu près 400$. Là, on parlait de la Nikon J1 ou J2. Là, on tombe dans des micros 4 tiers. Fait que c'est sûr et certain qu'on passe à une catégorie supérieure. On passe à des capteurs un peu plus gros. La J1, l'avantage, c'est que comme la J2 vient de sortir, elle a tendance à baisser de prix un peu. Le prix baisse beaucoup. Fait que ça peut être intéressant. Comme je parlais à l'épisode précédent, l'ennui, c'est qu'il n'y a pas énormément d'objectifs disponibles. Ça peut ne pas nécessairement être un problème, ça peut en être un. Il va falloir voir les besoins de la personne en conséquence. Moi, j'ai plus regardé la J1, j'ai pas regardé beaucoup la J2. J'ai pas trouvé beaucoup de choses. Il y a quelques améliorations, mais pour justifier peut-être un 150$ de plus. Je suis pas convaincu, non, c'est ça. Par contre, bon, c'est ça. Là, en ce moment, moi, j'ai vu là, entre 400 et 450$. Fait que ça peut être une option assez intéressante pour la J1. La J2 est un peu plus chère, plus comme... je pense que c'est quand même pas mal plus cher. Fait que moi, ce que j'aurais comme suggestion, bon, c'est toujours... On revient toujours à la même chose, mais vous allez toujours nous entendre dire la même chose, c'est qu'il faut aller les essayer. C'est sûr et certain. Par contre, moi, j'en ai deux de plus à vous rajouter. Une qui est un peu plus chère, une qui est beaucoup plus chère, mais... Peut-être que ça vaut la peine de mettre l'argent de plus. De ce que j'ai vu, pour faire des vidéos, entre autres, une qui est assez intéressante, c'est la Panasonic DMC LX7. J'ai malheureusement pas pu l'essayer non plus, mais j'en ai vu des bons commentaires. On parle d'un objectif 24 à 90 mm. C'est un 3.8, là, c'est pas très très grand, mais c'est quand même pas 3.8, je veux dire un zoom de 3.8, c'est pas super grand, mais c'est quand même pas si mal. Par contre, c'est là que ça devient intéressant. Son objectif est de F1.4 à 2.3. OK. Fait qu'on a à peine 1.1 cran entre les deux. Fait que ça peut devenir assez intéressant. Là, on parle d'une assez bonne luminosité, une très bonne performance qui peut avoir d'un ISO de 80 à 12800. OK. Bon, je m'attends pas à une performance phénoménale, mais quand même, ça peut être assez intéressant. Ben, si c'est utilisable, l'ISO, si on peut se rendre au moins jusqu'à 800 ou 1600 sans qu'il y ait de grains. C'est assez respectable. C'est ça. On peut faire de quoi avec ça, là. Puis, il fait de la caméra, la vidéo 1080p. OK. Puis, la dernière, qui, elle est 500$, la Panasonic. La dernière, elle est 600. Bon, c'est un peu plus cher. On parle de presque 200$ de plus. Mais on se rapproche de réflexe. Ça dépasse les réflexes. Il y a des réflexes à 500$. Fait qu'on dépasse le réflexe. Okay. C'est la commodité de la grosseur rendue à ce point-là qui peut être intéressant. C'est la Sony RX100. Pour le moment, je n'entends presque rien que des bonnes choses de cette caméra. Je n'ai vu que des éloges en général. Il y a une seule chose sur laquelle le monde sont un peu déçus. C'est qu'on parle d'un objectif de 28 à 100 mm. Très intéressant. C'est un zoom quand même assez prononcé. Le problème, c'est que l'ouverture... Sony mise beaucoup sur le fait que l'ouverture est à 1.8. Ça, wow, c'est intéressant. Sauf que quand tu arrives au bout du zoom, elle tombe à 4.9. Ouais. Là, on vient de perdre deux crans. Ouais. Presque plus que deux crans, même, en fait. Là, on perd beaucoup de luminosité. Fait que, bon... au moins, l'avantage majeur, c'est qu'on a un très, très gros capteur à l'intérieur. Très, très bonne capacité pour la basse luminosité, etc. Fait que moi, je dirais à cette personne-là, si vous avez les moyens, peut-être regardez. Si c'est une caméra que vous voulez garder longtemps, semblerait que c'est une caméra très robuste, très commode, pas très grosse non plus. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller voir jusqu'à ce point-là. Des fois, tu sais, entendons-nous qu'un 200$ ou peut-être même attendre un 3-4 mois de plus, puis elle va descendre un petit peu. Les caméras maintenant, là, c'est incroyable la vitesse à laquelle ils sortent un modèle et un autre. Puis les prix baissent. Les prix baissent en le temps de le dire. Fait que peut-être attendre un peu, faudrait la peine. Moi, et mon petit doigt me dit qu'on va l'avoir en test, la RX100, dans quelques semaines. Non, j'ai hâte de mettre les mains là-dessus. Ouais, définitivement, ouais. C'est quelque chose, là, c'est... C'en est un autre, là, qui a un peu l'aura, pour moi, de la Fujifilm X100, là, où ce que j'en entends tellement de bien que je me dois de l'essayer, là. Mm-hmm. J'ai vraiment hâte d'essayer ça, là, parce que c'est tout petit, très puissant, en tout cas, il est très intéressant. Un bon potentiel. Mm-hmm. Fait que, comme je disais, essayez les caméras. C'est vraiment là, la seule façon que vous pouvez le savoir. Parce que même si je vous dis, la Sony RX100, c'est la meilleure caméra que vous pouvez acheter au monde, vous n'êtes pas capable, la façon que les menus sont arrangés, l'ergonomie, etc., ça ne vous donnera rien. Mm-hmm. Ça ne vous donnera absolument rien. Prenez-en une qui est un peu moins bonne, peut-être, mais avec laquelle vous allez être confortable. Moi, je trouve que c'est préférable. Mm-hmm. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'avais essayé les Nikon, j'ai préféré rester avec mes Canon parce que j'étais pas à l'aise avec la façon que Nikon était fait. Puis, même sur certains points, j'aurais peut-être préféré la Nikon, je suis très content pareil de ma Canon parce que je suis à l'aise avec comment qu'elle fonctionne. Ouais, c'est bien important, c'est ça, au niveau de l'ergonomie, le feeling en essayant les contrôles, ça nous prend 3 minutes pour être à l'aise avec un appareil, puis avec un autre, ça prend des heures et des heures parce que ça peut être aussi bête que notre cerveau veut pas se faire à l'idée que les boutons sont pas au bon endroit selon notre pensée. Ça a vraiment été ça, moi, avec la Nikon. Ben, ça a carrément été ça. Donc, moi aussi, j'ai pris le Canon. Au début, c'était le XSI, le 450D. Je l'ai pris en main, puis j'ai tout de suite su comment m'en servir. Donc, j'ai dit, ben pourquoi me casser la tête? Voilà. Je vais vous avouer que j'en ai pas essayé des dizaines, là. Mais dès que j'ai vu que j'étais à l'aise avec ce modèle d'appareil-là, que la prise en main était bonne, les menus étaient bien conçus à mon goût, à moi, je suis allé avec ça. Puis bon, il y avait un rabais aussi. Ouais. Mais comme je vous dis, allez-y avec qu'est-ce que vous êtes à l'aise, parce que si vous devez chercher des menus puis vous n'êtes pas à l'aise, l'avantage, même si les performances sont meilleures, il va être annulé justement par le fait que vous n'êtes pas à l'aise avec. C'est ça. Excellent. Donc, on va passer au petit logiciel dont je voulais vous parler, le Arcball Spin. En fait, c'est tout simple. Vous prenez votre téléphone iPhone ou téléphone Android et vous pouvez prendre une image à 360 degrés d'un objet. Il vous suffit de trouver une espèce de plaque tournante sur laquelle vous déposez votre objet et vous démarrez l'application. Et là, vous filmez pendant que vous faites tourner l'objet. Et l'appareil, l'application va capturer une image tridimensionnelle de l'objet. Et ensuite, vous pouvez glisser votre doigt sur l'écran pour faire tourner l'objet, tout simplement. Oh, donc, okay. C'est génial. Mais juste à l'horizontale ou... Oui, c'est à l'horizontale. Ah, okay, donc, ouais. L'objet pivote, fait un 360 degrés comme si... posé sur une plaquette. Ouais. Qui... Il faut-tu respecter une vitesse? Non, en fait, l'appareil donne une espèce de... d'assistant, si okay. on veut. Ouais. Un peu comme les panoramas, là, photos panoramiques sur iOS 6, là, ouais. sur les iPhones. Ou quelques caméras aussi. Oui, oui. Ça, donc, il suffit d'essayer de suivre un peu l'assistant, là, la barre de défilement, okay. si on veut, qui va nous dire où on est rendu et tout ça. Ça fait faire plus qu'un tour, évidemment, pour être sûr que ça a capté vraiment l'objet toutes les facettes de l'objet. Puis après ça, ben on peut refaire jouer l'animation, puis on la fait glisser pour faire tourner l'objet comme on veut. Puis ça nous donne vraiment une vue 360 degrés de cet objet-là. Comme si on avait fait le tour avec la caméra, mais en fait, on a simplement fait pivoter l'objet sur lui-même. C'est des photos qu'il prend ou c'est une vidéo? Non, en fait, c'est un... C'est un peu d'hybride entre les deux. C'est une bonne question, Christian. Ouais, c'est ça. En fait, je serais porté à dire... Je me suis pas vraiment arrêté à l'aspect technique, mais je serais porté à dire qu'il prend une vidéo, puis le fait de glisser le doigt va faire avancer ou reculer la vidéo tout simplement dans l'appareil. Mais bon, on pourrait se pencher là-dessus pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a comme mécanique derrière. C'est pas nécessaire. C'était une simple question par curiosité. Je voulais te prendre par défaut. Mais il utilise beaucoup ce genre de logiciel-là en 3D pour mm-hmm. justement modéliser mm-hmm. des objets ouais. après. J'imagine très bien une tête mise sur un... En tout cas, excusez. Et ce qui est merveilleux avec cette application-là, c'est qu'elle est gratuite, tant sur iOS qu'Android. Android, en fait, c'est une version bêta pour le moment, mais c'est gratuit. Et évidemment, le site va être publié dans les notes d'épisode, mais le site, c'est tout simplement arqspin.com, arcspin.com. Maintenant, on va aborder les logiciels de montage vidéo. En fait, personne d'entre nous n'est vraiment un expert en montage vidéo. Ben, en fait, moi, j'ai utilisé peut-être deux fois Windows Live Movie Maker. François, t'as utilisé quoi, toi? Adobe Premiere. Bon, ah oui, c'est vrai, je l'ai déjà utilisé. Je l'ai quand même utilisé pas mal. Mais j'ai pas de licence, donc ça fait des années que j'y ai pas touché. Mais en toute sincérité, c'est Adobe Premiere est mieux que Final Cut en ce moment. La dernière version d'Adobe Premiere est vraiment solide. Là. OK. Okay. Écoute, je vais m'en vanter à plein de monde d'abord parce que dans le milieu, c'est Final Cut Pro là, qui est utilisé. Fait que pourquoi tu dis ça? C'est la dernière version de Final Cut beaucoup déçu. C'est pas la version qu'ils devaient faire. Tu parles parce que je sais qu'ils ont refait, ils ont comme rajouté quelque chose. Là, c'est Final Cut X, je crois, que quand il est sorti initialement, a déçu énormément, puis ont rajouté après ça beaucoup de choses à une autre version. Ben, je sais pas si c'est une autre version ou c'est des ajouts. Mise à jour. Je suis pas sûr, là, mais... La dernière version de Final Cut, quand même, celle après les rajouts, n'est pas si pire que ça. Mais je trouve que Premiere est plus rapide à intégrer les vidéos. Il est rendu plus simple, je le trouve plus solide. Je sais pas, Adobe s'est assis, a regardé Final Cut, on dit, OK, ils font tout ça bien. Qu'est-ce qu'ils font bien, puis... Puis nous, on va faire ça de plus. Mm-hmm. En plus, imiter ça, mais on va en rajouter. Et ils ont vraiment réussi. Moi, je suis incroyablement impressionné de la dernière version de Premiere. Mm-hmm. Sérieusement, là, je la conseille. OK. Si vous avez comme 5 000 $. Ben, c'est ça, c'est que ça coûte quand même pas mal d'argent. J'exagère, je pense pas que c'est 5 000. Non, mais c'est au-dessus de 1 000 $, ça, je suis pas mal sûr de ça, par exemple. Ouais. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai utilisé Windows Live Movie Maker parce que c'est gratuit. Tout comme moi, j'ai utilisé iMovie parce que c'était gratuit. Ben, voilà. Donc, ça dépanne, ça fait... Pour un petit boulot de base, là, justement, quelqu'un qui fait des vidéos de ses enfants, des trucs de famille... ça fait le boulot là. Il suffit d'insérer sa vidéo, de la musique, etc. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. J'ai fait des vidéos qui ont impressionné la famille et les amis. Ben, moi, j'étais comme non là, mais bon, regarde, ça a été super facile à faire, ça a été le fun. Aussi bizarre que ça peut paraître, quand ma fille est allée faire. Elle faisait du ski, là, elle avait 5 ans. Puis j'ai pris ma 7D, puis je l'ai suivi en ski en arrière. Puis j'ai juste monté ça facilement avec de la musique, des affaires, puis tout ça. Puis j'ai posté ça pour que les grands-mères puissent la voir faire du ski. Mais eux autres étaient « Wow, comment t'as fait? » Tellement facile, il n'y a rien là, je veux dire. Mais je trouve ça le fun qu'il y ait un outil comme ça, mettons comme pour macOS, où ça coûte rien, ça vient avec ta machine, puis t'es capable de faire quelque chose de super simple. Puis il y a une fonction super drôle, je sais pas si vous l'avez déjà vu, le preview, mais ça te permet de faire comme une bande-annonce de télévision, puis c'est d'un film, puis le scénario est comme tout monté. Fait qu'il te montre un peu, mettons, tu pourrais faire tel plan, tel style de choses, puis il donne des idées comment monter ton chose au complet. Okay. Je trouve ça super le fun, puis ça m'a tenté, si le temps était disponible, ça m'a tenté d'essayer de faire quelque chose comme ça, parce que l'outil est tellement facile à utiliser par rapport à ça que c'est trop tentant, là. C'est vraiment le fun. C'est ça qui est bien pour quelqu'un qui se dit, bon, moi, je sais pas comment faire un montage vidéo, j'ai des images, qu'est-ce que je fais? C'est le logiciel-là, iMovie, Windows Movie Maker, tout ça, il arrive avec des trucs pré-programmés, comme tu viens de dire. C'est ça. Ça, là, c'est vraiment génial. Pour quelqu'un qui veut un néophyte, qui veut s'essayer, se lancer, c'est puis le fun. Même pas néophyte, je dirais, parce que ça, on divise ça en trois, néophyte, amateur, puis professionnel. Même amateur, c'est le fun, c'est rapide. Parce que professionnel, là, les outils, là, sont, il y en a tellement, c'est un peu comme Photoshop, puis Lightroom, tu sais. Lightroom, quoi que c'est encore assez avancé, là, mais Photoshop, on va tout faire ce qu'on peut faire dans Lightroom, et même mieux, mais c'est compliqué. Là. Ouais. Mm-hmm. Fait qu'Adobe Premiere, Final Cut Pro, c'est des logiciels professionnels. On peut faire du vidéo amateur avec ça, on s'entend, mais il faut vraiment trouver les outils, savoir où ils sont. Puis il faut avoir l'argent pour le payer. C'est rien de familial, là, tu sais. Il faut avoir l'argent pour le payer aussi. Aussi. Mm-hmm. Oui, on s'entend. Là. D'ailleurs, la première fois dont je me suis servi de Windows Movie Maker, c'était pour le premier épisode du podcast. J'en ai fait une version que j'ai publiée sur Vimeo, donc vimeo.com. Si vous cherchez Objectif numérique, vous allez trouver le premier épisode. Il n'y a pas de vidéo en tant que telle, mais j'ai mis une photo. Test. avec un lettrage, le nom, objectif numérique. Hey, télécharger ça, ça va rester... Oui, ça va prendre de la valeur. Avant que ça disparaisse du monde numérique. Ça m'a permis au moins d'apprivoiser un peu le logiciel, de savoir comment ça fonctionne, puis que si j'avais une bande vidéo, justement, à monter avec une piste sonore, ben là, je pourrais faire le montage là-dedans, puis couper les scènes, etc. J'ai réussi à m'en servir en 20 minutes. 20-30 minutes, le petit vidéo était terminé. Donc, c'est intéressant pour ceux qui veulent vraiment s'initier à ça. Oui, ouais, si vous commencez, essayez pas d'aller avec les gros logiciels en partant. Là, ça reste que c'est compliqué. Mais quand même, Adobe, il y a un peu de... Excusez l'anglicisme, mais du handholding. Comme il t'aide quand même, il t'amène à l'endroit où c'est. Ouais, c'est ça. Okay. Un endroit où c'est que tu veux te rendre. Mais si vous commencez le même à monter, si c'est pour faire un film, exemple, un court-métrage, ça, vous voulez commencer à faire des courts-métrages, c'est pas le logiciel que vous avez besoin de plus maîtriser, c'est de comprendre que c'est pas parce que tu l'as filmé que tu en as besoin. Mm-hmm. Ça, c'est quelque que beaucoup. Et je suis victime de ça parce que je l'ai fait moi-même, on le fait tous au début. On met exactement tout ce qu'on a filmé dans le film, mais ça fait souvent des films trop longs, sans rythme. Donc, il faut apprendre à être capable de couper de notre travail, d'être sévère sur nous-mêmes et de couper dans notre propre travail. Mm-hmm. Donc, c'est ça, je pense, qui est le plus dur de l'apprentissage du montage. Ou à la limite, même pendant qu'on filme, il faut filmer un peu avant et un peu après pour se donner un peu de jeu. Tout à fait. Au cas où on aurait à couper un endroit, puis là on se dit « Ah non, j'ai arrêté d'enregistrer trop rapidement » ou quelque chose comme ça. Oui, quand on filme, il ne faut pas penser montage. Mais non, c'est ça. Faut penser... si on sait qu'on s'en va en montage, il ne faut pas penser montage en filmant. Ça veut dire parce qu'on va couper trop tôt, comme tu dis. Oui, exactement. Puis parfois, c'est ça, pour avoir le rythme, si on n'a aucun jeu... aucune latitude, au montage on va se retrouver pris parce qu'on va avoir coupé trop vite, puis là le rythme va être brisé Tout à fait. Oui, non, faut que tu sois capable de jouer dans ton montage. C'est ça que là les logiciels un peu plus avancés t'aident vraiment à pouvoir vraiment jouer dans ton montage, allonger tes segments, tout ça. Mais vraiment la base du montage, c'est d'être capable de couper point. Capable de décider. Oui, cette scène-là, je l'ai tournée, mais je me rends compte qu'elle sert absolument à rien. Ça même peut être si des je scènes la trouve drôle. Ça peut être des scènes aussi qui t'ont pris du temps à placer, à faire, mais tu te dis, bon, elle marche pas la scène. Elle marche pas. Mais tu sais ce que vous dites, ça s'applique autant à la photo. Hein? Oui. Si vous prenez plein de photos, puis tout ça, soyez exigeant. Gardez, si vous voulez les exposer, les montrer, tout ça, gardez seulement celles que vous voulez, celles qui sont les meilleures. Il faut être très dur, très exigeant. Moi, en tout cas, moi, je trouve que c'est comme ça m'a fait le plus avancer. J'ai fait des sessions de photos parce que j'ai fait 1000 photos, puis là-dessus, là, j'en ai considéré 10 comme vraiment bonnes. Oui, puis rappelez-vous, là, la dernière fois que mon oncle Jean-Jacques là, il est venu à la maison puis vous a montré les photos de voyage. Ah, puis ça a duré 2 heures. Ouais, c'est ça. Puis au bout des premières 10 minutes, t'avais fait le tour de vraiment le look des photos. Là. Ouais, c'est comme ma tante Gertrude là, sur le bord de la piscine. Là. 3 fois en ligne, presque de la même position. Oui, c'est ça. Parfois 6 fois en ligne. Ouais, c'est ça. En photo comme en vidéo... ben peut-être plus en photo, mais en vidéo aussi, si on a si le temps nous le permet, c'est de prendre plusieurs angles différents aussi au cas où l'angle qu'on avait imaginé au départ fonctionne pas comme on voudrait. Parfois on va dire ben j'ai la bonne position, j'ai un bon cadrage pour prendre mon sujet, là, une personne qui parle, qui donne une présentation, on prend la photo, puis ça semble plat, ça semble bidimensionnel, puis là, en changeant l'angle un peu, on va donner un effet de profondeur parce que là, l'arrière-plan se détache un peu plus, des trucs comme ça. Mais en vidéo, ça pourrait être aussi un peu la même chose, c'est que si on approche un sujet du mauvais angle, ou ça peut aussi nuire au résultat final. Ouais, c'est clair. Mais la beauté du vidéo, par exemple, tu devrais t'en rendre compte pendant la scène, que t'es en train de tourner, t'es peut-être pas c'est dans le bon angle, ça fonctionne. Un effet de mouvement en temps réel là, qui est intéressant. C'est ça, t'es assis souvent en tant que réalisateur, t'es assis directement en arrière du moniteur, donc tu vois un peu qu'est-ce que ça... Ou parfois, t'as plusieurs caméras aussi qui filment, donc ça donne déjà deux angles, deux plans différents, deux visions. Donc, à ce moment-là, on peut alterner entre les deux ou les trois, finalement. Mais si vous êtes sérieux et vous voulez vraiment soit devenir monteur, tout ça, mais vous n'aurez pas le choix. Il va falloir les apprendre, ces logiciels-là. Oui, absolument. Ouais. Excellent. Donc, ça donne une piste pour débuter à faire du montage vidéo. Et maintenant, c'est l'heure des... Ben, en fait, c'est pas vraiment des critiques. C'est un banc d'essai, si on veut. Un banc d'essai de caméscope compact. J'ai eu l'occasion de tester, merci Stéphane, deux caméras. En fait, c'est des petites caméras qu'on amène avec soi dans des situations, je dirais, plus dangereuses. T'as pas envie de mettre ton téléphone... filmer une scène avec ton téléphone dans un endroit parce que c'est un peu trop mouillé, il y a de la pluie, genre GoPro, mais t'as pas les moyens de la GoPro. Ok. Donc, et pas le coût aussi, j'imagine. Non, c'est ça, et pas les fonctionnalités tout à fait non plus. Okay. En fait, c'est pas tout à fait le même marché, je dirais, là, que la GoPro, les caméras que je vous parle. C'est la GoPro des pauvres, finalement. Wow, on pourrait dire ça. mais pas à ce point-là. Mais pas nécessairement pauvre, mais tu sais, je veux dire, en tout cas, tu sais... sans nécessairement dire action ou rien de ça, c'est quelque chose de plus montable, plus... De plus robuste. Plus robuste. De plus... Parce que il y en a qui peuvent aller dans l'eau, je crois, des trucs comme ça. Ben là, c'est échapper, ça. Là, vous autres, les gars, vous avez vu de quoi je parle, mais il faut que je dise aux auditeurs de quoi on parle. Oui, absolument. Ouais, ouais, je commence avec une caméra qui s'appelle la Toshiba Cameleo Clip. Mm-hmm. Elle coûte 99$, cette caméra-là. Donc, on voit tout de suite qu'on est dans le marché bas de gamme, je dirais, mais pas cher. Mm-hmm. Aussi bas de gamme en termes de vidéo, je vais vous dire pourquoi. Si je vous la décris, cette caméra-là, c'est une espèce de petite caméra à peu près grosseur carte d'affaires en termes de longueur, largeur. Épaisseur, ça a à peu près quoi? Je dirais 1,5 cm, 2 cm, quelque chose comme ça. Et il y a une petite clip, on peut l'attacher à notre ceinture. Ou à n'importe quel objet dont notre cerveau sera capable de créer comme endroit. Et puis, ça... Mais ça ressemble à un petit cellulaire, dans le fond. C'est pas... Oui, les premiers cellulaires. Les premiers cellulaires. ce qu'on appelait les flips. Mais... communément, les flips, là, c'est quasiment ça, la grosseur. Oui, là. Oui. Fait que cette caméra-là, comme je vous disais, elle vous permet d'aller placer ça dans des endroits un petit peu plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'elle est... elle est capable de résister à des chocs quand même assez importants. Mm-hmm. Elle est résistante à l'eau, mais pas submersible. Attention, okay. On va pas dans l'eau avec. On peut filmer sous la pluie. Oui, pas de problème, des dans splashes la douche, d'eau. Oui, dans la douche, jamais ça te chante. Mais Stéphane, tes idées, tu peux les garder pour toi. Des fois, oui, vraiment, là, j'avoue que... c'était pas nécessaire. Non, mais j'imaginais plus que de la pluie un peu pour côté résistance. Ouais, on est, ouais, c'est ça. Ça sera coupé au montage. Mais non, on ne coupe pas ça, on a du fun. Mais je vais y aller avec les specs de la caméra, les spécifications. Les caractéristiques. Caractéristiques. Ah, voilà. Faut quand même que je remonte un peu. Le niveau du français. Ouais. Fait que pour 99$, vous avez quand même une caméra qui fait du full HD, 1080p. Mm-hmm. Ça devient quand même un format de plus en plus normal, là, je dirais. Mm-hmm. Et si on avait dit ça il y a 5 ans, ça aurait été la folie totale pour un appareil gros comme ça. Pour les résolutions, on peut aller dans le 1080 à 30 images secondes, 720p à 60 images secondes. Donc ça nous permet de faire du beau ralenti à 60 mm-hmm. images secondes. Si on au montage, on met ça à 30, ça va nous donner la moitié moins de vitesse, donc un beau petit ralenti. On peut aller aussi à, si jamais l'idée vous chante, à 480. Mais 480p, c'est la résolution d'un DVD, finalement. C'est 480i. 480i, ouais. OK. C'est en bas du DVD. Ouais. C'est la télévision. Oui, Si on veut sauver de l'espace sur la carte, on peut aller dans ce mode-là. Moi, je vois pas vraiment d'autres options de se mettre en 480 que pour sauver de l'espace sur la carte. Mais est-ce que ça fait combien d'images secondes en 480i? À 30. À 30 seulement? Oui. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'avantages. S'il y avait eu 120, non, mais 30, c'est la vitesse normale. Là. Si on va à 60, c'est pour faire du ralenti. C'est ça. Ouais. Mais je sais que la GoPro, la Hero 2, la Hero 3, permettent d'aller en plus basse résolution pour donner du 120 images secondes. La Cameleo, comme je disais, elle va à 720p à 60 frames. Donc, elle a une meilleure résolution. qui a 4,80 et elle fait quand même du 60 frames. Mm-hmm. Donc, c'est une bonne qualité là, de ralenti. Ouais. Évidemment, elle prend des photos aussi à 5 mégapixels, le capteur. Mm-hmm. Bon, c'est écrit 16 mégapixels aussi, mais c'est par interpolation. Oh boy. Donc, oh il y a beaucoup d'interpolations. On passe de 5 mégapixels à 16. Je sais pas c'est quoi l'algorithme, là, mais bon, c'est beaucoup. Là. C'est tiré par les cheveux pas mal, je trouve. La mémoire, il y a une mémoire interne dans cette caméra-là. On peut filmer sans carte SD. On a accès à 128 MB. Ça équivaut à 46 secondes de HD. Alors, si on est en 1080. Bon, c'est drôle, là, mais si on est mal pris, ça peut nous sauver. Ouais, si jamais la carte secondes. Est pleine, 46 secondes, il peut quand même se passer pas mal d'affaires là-dedans. On peut filmer un message de SOS, de secours. Mais tu sais, je viens d'avoir un flash, je vous disais, en 1080i, à quoi ça peut... En 480i, à quoi ça peut servir? YouTube, 480i, résolution la plus minimale que tu peux avoir. Oui, c'est vrai. Même si pas, je pense que c'est 360, en fait. C'est moins long à téléverser. Oui, 360. Ouais. C'est 360, c'est vrai fait que ça peut faire le travail, dans le fond, c'est... T'as tout à fait raison. Si tu sais que tu t'en vas vers le médium web, ben ça peut faire le travail. C'est pas, ça sera pas super comme qualité, mais ça dépend toujours de ce que tu filmes là. Et on s'entend qu'avec une caméra comme ça, qu'est-ce que tu filmes? Ben, tu filmes pas quelque chose de professionnel. Non, c'est vraiment une caméra pour amener dans. C'est pour la famille. Moi, j'avais une caméra flip vidéo là de Cisco, la compagnie Cisco qui fabrique les routeurs Linksys et tout ça. La caméra flip, tu l'allumes. T'appuies sur le bouton enregistrer, en deux secondes, t'as ton vidéo qui roule, là, qui tourne. Donc, c'est bon, quelqu'un qui a des enfants ou qui veut filmer des trucs qui se produisent. Exactement. Comme c'est, ça, là. C'est la simplicité même. Ouais. Là. On l'allume, on pèse sur enregistrement, c'est réglé, voilà. Ça se fait tout de suite. On s'entend que c'est plus simple que dans. Parce que moi, la première caméra qu'on a eue dans ma famille, c'est les bonnes vieilles caméras que tu avais sur l'épaule puis que tu avais une strap parce que tu avais VHS à côté de toi. Oui, ouais, je m'en rappelle. Comme moi et Anouk, nos premiers films, nos premiers courts-métrages qu'on a fait quand on était tout petit, c'était avec ça. Mais il fallait être préparé pour pouvoir filmer. Donc, on a plein de films de famille, mais mon père devait se préparer à nous filmer. Mais ça, c'est vraiment c'est agréable. Ouais, ben oui, c'est vraiment rapide. Là. Puis on s'entend, c'est rapide. C'est tout ce qu'on fait. Avec ça, on pointe. Wow, et on parle enregistrement. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est parfait pour des enfants. On pourrait même laisser ça aux enfants. Je veux dire, les autres, c'est comme un petit jouet. D'ailleurs, ça ressemble à un petit jouet, si on regarde. Il y a plusieurs couleurs. C'est un peu comme un iPod. On peut choisir sa couleur. Il y a 4 ou 5 couleurs de disponibles sur ce petit truc-là. Fait que c'est vraiment le fun. Pour 99$, franchement, c'est pas un mauvais achat. Si on est difficile sur la qualité d'affichage de l'écran, qui est tout petit, hein? Il mesure 1,5 pouces de diagonale, ce qui équivaut à 1 cm, quoi. 4 cm, bon, peut-être. Mettons 4 cm de diagonale. C'est tout petit. On s'arrache les yeux. Ceux qui sont presbytes, bonne chance. C'est vraiment difficile, là. La qualité d'affichage est, c'est ça, pas tellement belle. Ça, c'est les points que j'aime moins de cette caméra-là. Ce que j'aime, il y a une sortie HDMI directement. On n'est pas obligé de passer ça par USB et l'ordinateur et le laptop. Ouais, qui met ça... Non, il y a une sortie HDMI. Est-ce que c'est une sortie HDMI standard ou c'est mini-HDMI? Mini-HDMI à cause de la grosseur de la caméra elle-même. Mais ça aurait pu être ça, mais je pense qu'ils ont dû manquer de place un petit peu. Probablement. Mini-HDMI. La caméra prend des cartes SD. Alors, c'est parfait. C'est vraiment le type de carte qu'on peut se procurer partout pour pas cher. Puis la qualité visuelle est quand même cute. Pas si mal. Ouais, c'est tout petit. La qualité visuelle, ça a l'air de quoi? Bon, c'est qualité visuelle, En 1080p, disons. En 1080p, ça prend beaucoup de lumière. C'est fait pour filmer à l'extérieur. Ouais. Quand on est à l'intérieur avec ça, c'est vraiment médiocre. Il y a beaucoup de bruit dans l'image. Il y a beaucoup de bruit, mais pour 99$, faut pas s'attendre à des miracles non plus. Alors voilà, ça conclut pas mal pour le Camileo Clip. Pour 99$, vous avez quand même des fonctions intéressantes pour le prix. L'autre appareil que j'ai essayé, c'est la Panasonic HX-WA20 qui se détaille à 350$. Là, on parle vraiment d'une autre caméra. C'est plus caméscope, là. C'est une caméra qui est en forme de pistolet. Donc, ça se tient d'une main avec le petit écran qui sort sur le côté. Ça, c'est vraiment plus intuitif pour filmer. Il y a un zoom. On se sent vraiment à l'aise avec cette caméra-là. C'est pas mal plus fait pour... bon, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est pratique parce que les contrôles sont au niveau du pouce, je pense, à l'arrière. Oui, mais j'ai mes petites réserves sur les contrôles au niveau du pouce. Ce qui est, je vais y aller avec une petite description aussi de ce qu'est capable de faire cette caméra-là. Mm-hmm. Bon, évidemment, elle fait du 1080p aussi, comme la Camileo et comme plusieurs autres. Avec plusieurs autres modes aussi, ça ressemble pas mal de ce côté-là. L'écran mesure 3 pouces, ou à peu près 6-7 cm, je dirais, quelque chose comme ça. Le mode grand angle est à 28 mm dessus, donc c'est très bien. Mm-hmm. C'est ça que j'ai pas dit, par exemple, sur la Camileo. Ça, c'est un de ses points faibles, c'est que l'angle est trop petit. OK. Il faut trop s'éloigner de notre sujet, tu sais. Mm-hmm. Avec la Camileo, ça, j'ai trouvé ça moins bien. Avec la Panasonic HXWA20, ça, c'est parfait. Je dirais que c'est normal comme angle. Okay. On a un zoom 5X qui équivaut à 140 mm. C'est une caméra qui est parfaite pour aller dans l'eau. On peut carrément se baigner avec. Elle est bonne jusqu'à 3 mètres. Donc, si on aime ça le sport, on veut aller se baigner, on va aller faire un peu de plongée. On peut l'amener avec soi, puis elle est super belle. Elle n'a pas l'air d'une caméra protégée pour l'eau. Elle est juste bien... Scellée, c'est ça. Honnêtement, si tu ne me l'avais pas dit, je ne l'aurais jamais su. Sérieusement, ça paraît pas moi non, non, c'est ouais, ça, moi non plus, au début, je le savais pas. Puis non, c'est en lisant... C'est réussi. Côté esthétique, c'est réussi, super réussi. Puis elle résiste au sable aussi. Elle est vraiment étanche. Et au choc aussi, je pense. Si on l'échappe ou... Ouais, il faudrait vérifier. J'ai pas regardé pour ça. Mais j'imagine si que tu oui, elle est quand par un requin. Voilà. <Ouais. rire> Tu peux la lancer sur quelqu'un si tu veux aussi. Tu peux frapper le museau du requin avec la caméra. bon, elle a les modes manuels puis automatiques. Il n'y a rien d'extraordinaire dans les deux cas. C'est possible de travailler manuellement, ce qui est bien. Automatique, mais ça fait la job pour toi, c'est parfait. Ce qui est vraiment surprenant avec cette caméra-là, par exemple, c'est les modes de ralenti. Elle peut faire du 240 images secondes et du 480 images secondes. OK, mais à quelle résolution? Ouais, et voilà, ça c'est le problème, selon moi. C'est qu'en fait, c'est pas un problème, mais à 240 images secondes, on tombe à 640 par 360. OK. Ouais. Ce qui est quand même bien si on va pour c'est le web. Mal, ben pour YouTube, ouais. Oh, ouais, exact, pour YouTube, c'est en masse. Ouais. Puis si on va en mode 480, c'est en 320 par 180. Et... Ouais, là, ça, c'est beau, par exemple. Ouais. Ça, mais ça, l'effet qu'on va aller chercher avec ça peut compenser. On s'entend, là, c'est une caméra de 350$. Les caméras qui font de la haute vitesse comme ça, c'est assez cher dans le professionnel. Dans le consommateur comme ça, à 350$, c'est super d'avoir du 240 images secondes. C'est vraiment surprenant ce qu'on peut aller chercher avec absolument. Ça. Ça utilise aussi une carte SD, très pratique. Okay. Le mode caméra, c'est du 16 mégapixels. Fait que c'est quand même surprenant la qualité qui sort de cette caméra-là. On peut pas comparer ça avec une caméra DSLR, évidemment, mais on est vraiment pas loin. La personne pas avertie verra pas de différence. C'est une caméra qui est super cool pour la mise en marche parce qu'on fait juste sortir le petit écran flip sur le côté, elle s'allume et est prête à enregistrer tout de suite. Il n'y a pas de bouton power allumé ou rien de ça. C'est une question de secondes puis tout de suite, on peut filmer. Quand on referme l'écran, même chose, elle s'éteint. Okay. Fait que c'est super intuitif, c'est rien de compliqué. C'est vraiment génial pour ça. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup sur cette caméra-là. Pendant qu'on filme aussi, on appuie sur le bouton photo puis ça prend une photo. Ça arrête pas le vidéo, ça prend une photo. Merveilleux. Ça, c'est bien. Des points que j'aime moins, tu m'en parlais tantôt, il y a les menus, on peut y accéder avec le pouce pendant qu'on tient la caméra. Il y a des petits boutons, une espèce de petit joystick qu'on peut opérer avec le pouce. Je trouve que c'est pas super... naturel. Ouais, puis on le sent pas bien le feeling quand on appuie sur le bouton qu'on vient Qu'on a vraiment appuyé dessus. Ouais, c'est ça. Même chose pour les boutons d'enregistrement, soit photo ou vidéo. C'est pas clair que quand on a pesé dessus, ça fonctionne. Évidemment, à l'écran, on le voit, là, quand on a appuyé dessus, mais moi j'aime ça sentir le petit clic là, ouais, quand t'as appuyé dessus. À la limite, t'as les yeux fermés puis tu sais que t'enregistres, là, juste en appuyant. Ça, j'aime moins ça. Bon, ça, ça serait à retravailler selon moi. Sinon, je trouve que pour le prix, encore une fois, si on veut avoir une meilleure une caméra de sport pour aller jouer dehors, c'est vraiment une petite caméra à considérer. J'imagine qu'elle a la même chose que l'autre. Luminosité, basse luminosité, ça doit être un peu moyen à l'intérieur. Ou c'est moins pire un peu? Ça n'a rien à voir, là. C'est vraiment capable de capter la lumière d'une meilleure façon que la Camileo. Mon Dieu, la Camileo. 350$, c'est quand même pas si mal. Là. Ben, c'est. Je dirais que ça vaut le prix. C'est pas un bon deal. C'est pas non plus extrêmement cher. Je pense que c'est ce que ça vaut. C'est respectable. Un bon rapport qualité-prix. Oui. OK. Eh bien, merci bien. Là-dessus se conclut déjà le 12e épisode. Merci beaucoup, messieurs. Merci, François. Merci beaucoup. Merci, Christian. Merci. Et merci, Johan, de ta deuxième visite. Ça fait plaisir. J'habite pas loin. Oui, c'est ça. Ouais, pas comme moi et Christian. Exact. 10 minutes, pour vrai. Donc, si vous voulez nous écrire, nous envoyer vos questions, commentaires ou suggestions, vous envoyez le tout à podcast@objectifnumérique.com. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, le compte Twitter au numérique et les pages Facebook et Google+, vous cherchez tout simplement Objectif Numérique. Merci, à la prochaine!